بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le cours numéro 8 dans la lecture du livre Fathur Rahim al-Malik al-Allam de l'imam al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di rahimahullah. Et le cours d'aujourd'hui, nous reprenons donc à partir du chapitre suivant dans lequel le Cheikh va parler de 6 des noms sublimes, des noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin. Le Cheikh il dit Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin. Donc tout d'abord, nous allons essayer de donner la traduction de ces noms en langue française. Donc Al-Aziz, le puissant. Al-Jabbar, après avoir parcouru les différentes explications des savants sur le nom Al-Jabbar, il m'est apparu que la meilleure des choses n'est de ne pas le traduire. La meilleure des choses est de ne pas le traduire, car le nom Al-Jabbar, comme ceci va être expliqué dans la lecture d'aujourd'hui, bi'idhnillah, il inclut plusieurs choses. Et ce qu'il en ressort, c'est que Al-Jabbar, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de celui qui impose et qui apaise. Celui qui impose et qui apaise. C'est la traduction qui m'est parue la plus correcte. Ou plutôt la définition qui m'est parue la plus correcte et la plus complète. Mais je n'ai pas trouvé en langue française de mots pouvant redonner l'essence du nom Al-Jabbar. C'est pourquoi je préfère le garder tel quel en langue arabe. Puis, le troisième nom dont le Shir va parler dans ce chapitre, c'est Al-Mutakabbir. C'est-à-dire l'orgueilleux. L'orgueilleux. Et bien que le mot orgueilleux soit négatif en ce qui concerne les créatures, mais concernant Allah subhanahu wa ta'ala, l'orgueil a un sens positif. Et concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité et non pas un défaut, car l'orgueil a plusieurs sens dans la langue française et parmi les sens de l'orgueilleux, c'est celui qui a un caractère de majesté et de beauté. L'orgueilleux, celui qui a un caractère de majesté et de beauté. Et celui qui est fier et qui ressent de la fierté et un contentement légitime de lui-même. Donc, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, l'orgueil est une qualité. Puis le quatrième nom dont le shir va parler dans ce chapitre, c'est Al-Qahhar, qui est traduit par le dominateur suprême. Al-Qahhar, le dominateur suprême. Puis le cinquième nom, Al-Qawi, Al-Qawiyu, qui est le fort, le fort. Et enfin, le sixième et dernier nom dont le shir va traiter ici, c'est El-Matin. Et la traduction qui m'est parue la plus appropriée pour le nom El-Matin, par rapport aux différentes explications que j'ai pu voir, c'est le robuste. Le robuste. Donc le cheikh ensuite il dit dans ce chapitre فَالْعَزِيزُ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعَانِ الْعِزَّةِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Le puissant, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a regroupé tous les sens, qui a regroupé tous les sens de la puissance, toutes les significations de la puissance. Puis le shir a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna al-izzata lillahi jami'an » La puissance, certes la puissance tout entière, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le shir dit « Fahuwa al-aziz li kamali quwwatih » وهذه عزة القوة ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. Donc le cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant du fait de la totalité de sa puissance, la totalité de sa force. La globalité de sa force et la perfection de sa force. Et il dit, cette puissance est la puissance de force. La puissance de force. Nous allons voir dans ce qui va suivre que le shir a donné trois sens, trois significations à la puissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier sens donc est la puissance de force. Puis il dit le shir, et c'est à cette signification, c'est à ce sens que reviennent les noms El-Qawiyul Matin, le fort, le robuste. Le fort et le robuste, El-Qawi ou El-Matin, ces deux noms reviennent donc à la puissance, indiquant la force, la puissance de force. Puis le shir dit « Wa'izzatu l'imtina'a ». C'est le deuxième sens, la deuxième signification de la puissance concernant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Wa'izzatu l'imtina'a ». C'est-à-dire la puissance d'inaccessibilité. La puissance d'inaccessibilité. Il nous dit le shir, وَعِزَّةُ الْإِمْتِنَاعِ عَنْ مُغَالَبَةِ أَحَدٍ وَعَنْ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ أَوْ يَبْلُغَ الْعِبَادُ دُرَّهُ فَيَدُرُّوهُ أَوْ نَفْعَهُ فَيَنْفَعُوهُ. Il dit donc le shir, la puissance d'inaccessibilité, de sorte que nul ne peut le vaincre. Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut le vaincre. Et nul ne peut s'en prendre à lui. D'où le sens de l'inaccessibilité, qu'il est inaccessible d'un point de vue de la force, de la puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut le vaincre et nul ne peut s'en prendre à lui. Puis le shirk continue et il dit que les serviteurs, les créatures, ne peuvent lui faire ni du mal, ni du bien. Les créatures ne peuvent lui faire ni du mal, ni du bien. Mais comme les savants expliquent, Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer de toute la création. Donc, d'où son attribut de puissance, qui est ici la puissance d'inaccessibilité, qu'on ne peut l'atteindre par quoi que ce soit, ni par un bien, ni par un mal. Car il se passe de l'obéissance des gens obéissants et la désobéissance des désobéissants ne peut lui nuire en quoi que ce soit. Mais celui qui agit dans le bien, c'est à lui-même qu'il est bénéfique, qu'il est profitable. Et celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'à sa propre âme qu'il nuit. Puis le shir dit, وَامْتِنَاعُهُ وَتَكَبُّرُهُ عَنْ جَمِيعِ مَا لَا يَلِيقُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ مِنَ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِسِ وَعَنْ كُلِّ مَا يُنَافِي كَمَالَهُ. Donc le shir, il dit, et également entre dans la puissance d'inaccessibilité le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus et exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté comme défaut et comme imperfection, et qu'il est exempt de tout ce qui peut s'opposer à sa perfection. Donc les défauts et les imperfections ne peuvent atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut être touché par un défaut ou une imperfection, car il est le parfait par excellence. Et le cheikh nous dit, وَيَرْجِعُ إِلَيْهَا معنى المتكبر. Le nom المتكبر, l'orgueilleux, revient à cela, revient à cette puissance d'inaccessibilité. dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de cela. Il s'est préservé de toute imperfection et de tout défaut, d'où sa grandeur et sa fierté. Puis il nous dit le shir, ma'a anna al-mutakabbir ismun dallun ala kamal al-azamati wa nihayat al-kibriya ma'a dilalatihi ala al-ma'na al-mazkur wa huwa takabburuhu wa tanazzuhuhu amma la yaliq bi 'azamatihi wa majdihi wa jalalihi. Donc le cheikh nous dit, donc c'est à ce sens donc de puissance, d'inaccessibilité que revient le nom al-mutakabbir, l'orgueilleux, bien que ce nom al-mutakabbir, l'orgueilleux, indique également la plénitude de sa grandeur, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur totale et ultime. Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur totale et ultime. Ma'adila, donc ma'adila latihi, comme il nous dit le shir, donc tout en indiquant également le sens cité précédemment, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus et exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur, à sa gloire et à sa majesté. Puis le shir dit ensuite, al-ma'na thalith, 'izzatu al-qahr. Le troisième sens, la troisième signification de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la puissance de domination et d'assujettissement. La puissance de domination et d'assujettissement. Il nous dit, al-ma'na al-thalith, 'izzatu al-qahr, ad-dallu 'alayha ismu al-qahhar. Donc, la troisième signification, le troisième sens de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la puissance de domination et d'assujettissement auquel indique le nom Al-Qahhar, le dominateur suprême. Puis nous dit le shir, Alladhi qahara bi qudratihi jami' al-makhluqat wa danat lahu jami'u al-ka'inat. Donc, le dominateur suprême, celui qui domine ou celui qui a assujetti toutes les créatures par son pouvoir. Celui qui a assujetti toutes les créatures par son pouvoir et auquel tous les êtres sont soumis. فَنَوَاصِ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ بِيَدِهِ وَتَصَارِفُ الْمُلْكِ وَتَدْبِيرَاتُهُ بِيَدِهِ والملك بيده فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. De ce fait, les toupets de toutes ces créatures sont dans sa main, de même que la gestion du royaume des cieux et de la terre, la gestion du royaume de tout l'univers. et son organisation, tout cela est dans sa main, de même que la royauté tout entière est dans sa main. Donc ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Puis le shir poursuit et il nous dit فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها. Donc, les mondes supérieurs et inférieurs, les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils comprennent comme immenses créatures, tous sont soumis à leur maître et celui qui les régit. Ils sont soumis à lui dans leur mouvement et dans leur inaction, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils délaissent. فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء. Donc, ils ne possèdent rien, ils n'ont rien. Du commandement et de la gestion des cieux et de la terre. Tout comme ils n'ont rien également du jugement. Puis il dit le shir, بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله. Donc le commandement tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui commande et qui gère tout. Et également le jugement en matière de religion ou dans la création et la prédestination ou dans la rétribution, tout jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le shirk veut dire ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge de, par rapport à la religion, ce qu'il convient de légiférer, ce qu'il ne convient pas de légiférer. Et par rapport à la création et la prédestination, ce qu'il convient de créer et ce qu'il ne convient pas de créer, ce qu'il convient de faire arriver et ce qui ne convient, pas de laisser arriver. Ça, c'est concernant Al-Qadar. Al-Hukm Al-Qadari, le jugement dans la prédestination et la création. Et également dans la rétribution, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge qui mérite la récompense et qui mérite le châtiment. Puis le shir dit La hakima illa hu, wa la rabba ghayruhu, wa la ilaha siwahu. Donc il n'y a pas de réel juge à part lui, et il n'y a pas de seigneur autre que lui, et il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de lui. Donc, ceci, le shir donc l'a inclus dans la puissance de domination suprême, dans la puissance de domination et d'assujettissement par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala domine, gère et organise tout cet univers et qu'il est le seul à juger et à imposer son jugement. Puis le cheikh nous dit وَالْعِزَّةُ بِمَعْنَى الْقَهْرِ هِيَا أَحَدُ مَعَانِ الْجَبَّارِ. Et donc cette puissance de domination est un des sens du nom Al-Jabbar. C'est un des sens du nom Al-Jabbar. Que, comme je vous ai dit, je n'ai pas traduit, car je n'ai pas trouvé de mot en français pouvant inclure tous les sens qu'il contient. Mais si on devait le définir par une phrase, le nom Al-Jabbar, c'est celui qui impose et qui apaise. Donc il nous dit le shirk que la puissance de domination est un des sens du nom Al-Jabbar. Car, comme je vous ai dit, parmi la définition du nom Al-Jabbar, c'est celui qui impose. D'où l'idée de puissance de domination. Puis le cheikh nous dit وَمِنْ مَعَانِ الْجَبَّارِ أَنَّهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَعَلَى السُّلْطَانِ وَأَنْوَاعِ التَّصَارِيفِ اسْتَوْلَى. Il nous dit le cheikh également parmi les sens du nom Al-Jabbar, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le plus élevé, celui qui s'est élevé au-dessus du trône, celui qui s'est élevé au-dessus du trône suprême, et celui qui possède la royauté, le pouvoir et la gestion de toutes choses. Puis nous dit le shir وَمِنْ مَعَانِ الْجَبَّارِ مَعْنًا يَرْجِعُ إِلَى لُطْفِ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ. C'est-à-dire aussi fait partie des sens du nom Al-Jabbar, un sens qui revient à la douceur de sa miséricorde et de sa clémence. Parmi les sens du nom Al-Jabbar, il y a donc ce qui revient à la miséricorde d'Allah, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa clémence. Le cheikh nous dit wa huwa alladhi yajburu al-kaseera wa yughni al-faqeera wa yajburu al-mareeda wal-mubtala. C'est-à-dire, pour expliquer ce qu'il vient de dire, il nous dit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va apaiser les cœurs brisés. Celui qui va apaiser les cœurs brisés. Et qui va soulager le pauvre en lui accordant sa suffisance. Et également celui qui va apaiser le malade et l'éprouvé de leur souffrance et de leurs difficultés. Puis le cheikh nous dit وَيَجْبُرُ جَبْرًا خَاصًا قُلُوبَ الْمُنْكَسِرِينَ لِجَلَالِهِ الْخَاضِعِينَ لِكَمَالِهِ الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف وأنواع المعارف الربانية والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ceux qui a précédé, le fait qu'il apaise les cœurs brisés, il les console, et qu'il accorde aux pauvres sa suffisance, et qu'il apaise les souffrances, douleurs et difficultés du malade et de l'éprouvé, en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala apaise d'une façon plus particulière les cœurs de ceux qui se recueillent humblement devant sa majesté, qui se soumettent à sa grandeur et sa perfection, et qui espèrent sa grâce et ses dons. Allah subhanahu wa ta'ala les apaise en déversant sur leur cœur son amour, ainsi que toutes sortes de connaissances et illuminations divines, en les guidant et en les orientant au droit chemin, et en leur accordant la réussite et la rectitude. C'est ainsi que se termine ce chapitre, dans lequel nous pouvons résumer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant, celui qui détient tous les sens et toutes les significations de la puissance de force, la puissance d'inaccessibilité et la puissance de domination et d'assujettissement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui impose et qui apaise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui impose et qui apaise à la fois. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.